Dans Si c'est un homme, Primo Levi raconte l'enfer. Non pas l'enfer de Dante, dont nous parlons cette semaine, mais l'enfer du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Monowitz, où il fut prisonnier en 1944. Dans le texte que vous allez entendre, le narrateur tente de préserver ce qui lui reste d'humanité en partageant avec son camarade Piccolo son amour pour la divine comédie de Dante, dont il récite par cœur quelques vers en italien. Dante pour ne pas devenir fou. Dante pour se rappeler que la connaissance est ce qui fait de nous des humains jusqu'au bout. Dante comme la voix de Dieu, dit-il, et le chant d'Ulysse, au chapitre 26 de l'Enfer, comme ultime viatique pour l'éternité. Jean a passé un mois en Ligurie. Il aime l'Italie, il voudrait apprendre l'italien. Moi, je serais content de lui donner quelques leçons. Et si on commençait? Mais oui, commençons. Tout de suite même. Une chose en vaut une autre, l'important est de ne pas perdre de temps, de ne pas gaspiller cette heure qui s'offre à nous. Le chant d'Ulysse. À savoir comment et pourquoi cela m'est venu à l'esprit, mais nous n'avons pas le temps de choisir. Cette heure n'est déjà plus une heure. Si Jean est intelligent, il comprendra. Il comprendra. Aujourd'hui, j'en suis sûr. Qui est Dante? Qu'est-ce que la divine comédie? Quelle étrange sensation de nouveauté on éprouve à tenter d'expliquer brièvement ce qu'est la divine comédie, la structure de l'enfer, le contrepasse. Virgile représente la raison, Béatrice la théologie. Jean est tout oui. J'y suis. Attention, Piccolo. Ouvre grand tes oreilles et ton esprit. J'ai besoin que tu comprennes. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver con e brutti, ma per seguir virtute e conoscenza. Et c'est comme si, moi aussi, j'entendais ces paroles pour la première fois. Comme une sonnerie de trompette, comme la voix de Dieu. L'espace d'un instant, j'ai oublié qui je suis et où je suis. Piccolo me prie de répéter. Il est bon, Piccolo. Il s'est rendu compte qu'il est en train de me faire du bien. À moins que peut-être il n'y ait autre chose. Peut-être que, malgré la traduction plate et le commentaire sommaire et hâtif, il a reçu le message. Il a senti que ses paroles le concernent, qu'elles concernent tous les hommes qui souffrent, et nous en particulier. Qu'elle nous concerne, nous deux, qui osons nous arrêter à ces choses-là avec les bâtons de la corvée de soupe sur les épaules. Bonjour Carlo Ossola. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Turin, n'est-ce pas, dans le pays de Dante? Oui, oui, oui. Enfin, pas même vraiment. Si, ouais, à son oui, époque, l'Italie telle que nous la connaissons n'existait pas encore. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Il faudrait être à Florence ou alors dans les lieux d'exil de Dante. Imaginons Vérone et surtout Ravenne où il termine l'écriture du paradis et où il meurt. Mais enfin, on pourrait imaginer que comme Dante a une vision universelle, il peut englober non seulement Turin, mais la France, peut-être il est venu à Paris, donc nous sommes pleinement chez lui. Vous êtes professeur honoraire au Collège de France, hein, titulaire de la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine, et vous serez notre guide ce matin pour notre troisième voyage au sein de l'enfer de Dante, un voyage qui commence avec un enfer au sens propre, puisqu'il s'agit du camp de concentration hein, d'Auschwitz-Monowitz, où se trouve Primo Levi, dans le texte que vous venez d'entendre. Il récite Dante par cœur, et il se demande si son interlocuteur, Piccolo, a bien reçu le message. De quel message s'agit-il selon vous? Quel est le message que Dante délivre dans des situations aussi extrêmes que celles qu'est en train de vivre le narrateur de Si c'est un homme? Oui, je crois que le message fondamental que Primo Levi veut évoquer est le fait que la connaissance de la mort, d'une certaine manière, nous libère de la mort. C'est un thème qui avait été déjà abordé par Pascal. Je ne sais pas si Primo Levi avait à l'esprit à ce moment-là le texte de Pascal, mais nous sommes tous mortels comme les animaux, mais comme nous avons la conscience que nous allons mourir, eh bien, cette connaissance et cette conscience nous libèrent d'une certaine manière de la mort matérielle qui était du reste très probable dans le camp de Auschwitz. Non seulement probable, mais quotidienne. Et ceci nous fait venir à l'esprit le fait que Dante est notre contemporaine, parce qu'il a été l'auteur des exilés, de l'auteur des prisonniers dans les différents camps et colimas du XXe siècle. Il était chez Mandelstam quand il est condamné par Staline. Avec notre livre de Pouchkine, il était chez Primo Levi, et je crois que nous avons par là une manière correcte et réelle d'entrer dans les enfers de notre temps en voyant comme Dante les a traités. Vous voulez dire que lire la Divine Comédie de Dante, dans la mesure où c'est un voyage après la mort, en enfer, au purgatoire et dans le meilleur des cas au paradis, est une manière de rendre notre propre mort, pourtant certaine et inévitable, un peu plus douce, c'est ça? Parce que ça nous y prépare? Oui, on pourrait imaginer cet exit, pour ainsi dire, heureux. En tout cas, cela nous permet de penser comme vivants à la mort comme quelque chose qui n'est pas au-delà de nous et qui n'est pas notre frontière, mais qui est à l'intérieur du creuset de notre expérience et de notre quotidien. Et du reste, les damnés sont dans cette condition tout à fait spéciale. C'est-à-dire qu'ils connaissent le présent, mais ils ne connaissent pas l'avenir. Et dans le chant 10, quand il est question de la rencontre de Dante avec Farinata, Farinata dit à Dante qu'il est dans une condition étrange et douloureuse. « Nous voyons comme ceux qui n'ont pas de bons yeux, dit-il, les choses qui sont lointaines. » Notre intellect est vain pour tout ce qui est proche ou présent. Et si nul ne vient nous parler, nous ignorons tout de l'état humain. Donc, l'enfer, à partir de cette rencontre fondamentale, prend une dimension extraordinairement, je dirais, pathétique. Le besoin de dialogue, le besoin d'avoir de nouvelles, parce qu'il ignore le présent, et plus encore, tu comprends ainsi que notre connaissance sera toute morte à partir de l'instant où sera fermée la porte du futur. Donc, en enfer, il n'y aura plus de connaissance. Et donc, la venue de Dante est précieuse, infiniment précieuse pour les damnés. Nous sommes habitués à considérer l'enfer du côté des damnés, mais il faudrait peut-être renverser la perspective et voir toute, je dirais, la soif, la pudeur, le désir de rencontrer un vivant pour avoir ce que ils n'arrivent pas à savoir du présent humain. Alors, dans le texte de Primo Levi, la citation que le narrateur fait à son compagnon est celle d'Ulysse. Hein, Ulysse qui, pour inciter ses compagnons, donc Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, pour inciter ses compagnons à poursuivre leur navigation, leur dit « Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. » Et au fond, se trouve dans cette phrase non seulement ce qui distingue l'animal de l'humain, pour Primo Levi qui est ramené à une condition pire que celle d'un animal au moment où il est prisonnier d'un camp de concentration, mais c'est toute la condition humaine qui se trouve par là illustrée, à savoir, seule la vertu et la connaissance pourront nous sauver de notre condition d'être mortel fini. Tout à fait, je crois que là, nous avons le premier texte de l'humanisme européen, c'est-à-dire un texte qui mise sur la dignité de l'homme, comme si le fait d'être damné n'était qu'un attribut modifiable ou non modifiable, mais enfin un attribut de la condition humaine, alors que l'essentiel de la condition humaine est vertu et connaissance. L'impératif, ou la, je dirais, l'attention que Ulysse demande à ses compagnons, c'est-à-dire considérez votre semence, est traduite par l'amener. Nous avons ici la traduction de Jacqueline Risset. Oui. Mais l'amener a traduit d'une manière encore plus radicale, pensez à ce que vous êtes. Donc c'est un peu le gnosis auton des Grecs, connais toi-même. C'est l'impératif humain, est arriver au centre de nous-mêmes, connaître notre condition humaine. Tout le reste est un corollaire. De ce point de vue-là, disons, l'enfer, je ne dirais pas qu'il disparaît, mais il devient, il prend une autre mesure. Et la centralité du destin humain en sort, pour ainsi dire, rachetée. Le péché est évidemment un choix. Du reste, en deçà de l'enfer vrai, il y a l'anti-enfer où il y a ceux qui n'ont pas fait de choix. Donc déjà, le fait de choisir est un élément de la dignité humaine. Évidemment, si on fait un mauvais choix, on est puni et on est aux enfers, mais l'essentiel pour Dante est l'exercice de la liberté et le besoin de connaissance. De ce point de vue-là, le voyage de Dante sera un voyage complètement marqué par l'expérience d'Ulysse, à tel point qu'au paradis, paradis 27, donc presque à la fin, Dante il dit « Je voyais de là-haut le passage fou d'Ulysse », c'est-à-dire à la fin du paradis, quand il a été en plus examiné sur la foi, l'espérance, la charité, enfin il a été consacré chrétien dans la plénitude, eh bien la première image dans le chant 27, c'est-à-dire juste le chant suivant cet examen sur la charité, eh bien il dit encore une fois le passage fou d'Ulysse, comme si cette expérience d'Ulysse marquait je dirais, la structure essentielle de la Divine Comédie. Quelle âme, dont mon maître, se trouve en cette flamme dont le pied est unique, mais dont la pointe se divise en deux têtes. Si elle est ainsi partagée, c'est qu'au vrai, elle contient deux damnés, qui, pour leurs grands exploits, associèrent l'un sa force et l'autre son astuce. Tu les connais, du reste, car en cette flamme endure leurs tourments Diomède et Ulysse. Ulysse, dis-tu, celui-là ? Celui-là qui conseilla aux Grecs de construire le cheval qui devait perdre Troie. C'est cette fraude qu'il expie en ce huitième cercle d'enfer. Nous sommes au chant 26 de l'enfer de Dante. Virgile est toujours le guide de Dante. Il découvre des corps, certains connus, d'autres inconnus, des sévices qui leur sont infligés, des sévices corporels, tout n'est que feu, ombre, lumière, les corps sont sur le point de disparaître ou alors sont complètement devenus des ombres, quand soudain, vous l'avez entendu, hein, Dante aperçoit une sorte de flamme double. Et il demande à Virgile, mais qui est dans cette flamme double ? Et Virgile lui annonce que c'est justement Ulysse qui s'y trouve. Et Dante va à tout prix aller voir pourquoi Ulysse brûle en enfer. Et la question se pose, Carlo Ossola, car si l'on fait de la connaissance et de la vertu, eh bien, ce qui justifie que la vie humaine puisse être vécue, alors pourquoi Ulysse brûle-t-il en enfer ? Car lui-même semble avoir été mu par cet appétit de connaissance. Tout à fait, vous avez raison. Il est au profond, presque, je dirais, au creux le plus terrible de l'enfer, c'est-à-dire dans le huitième cercle et huitième bulge. Après, il n'y a plus que le cercle de ceux qui ont trahi. Il est donc parmi les auteurs de fraude, les conseillers perfides, et on voit tout de suite quelle est, je dirais, l'éthique de Dante. Il est condamné parce que il a exercé une fraude, c'est-à-dire il a fait introduire le cheval plein de soldats dans les murs de Troie, et donc il n'a pas agi avec la loyauté qui est demandée à tout homme, et surtout à ceux qui se battent pour un principe. Et de ce point de vue-là, Ulysse ne peut pas échapper au destin que sa fraude lui a causé. Mais d'autre part, le fait même de sortir pour un instant de cet enfer nous fait venir à l'esprit, pour bien comprendre ce passage de Dante, ce que Italo Calvino disait. Il ne faut pas chercher ailleurs l'enfer. L'enfer est cette terre que nous vivons. Ce qui est important est de retrancher ce qui, dans l'enfer, n'est pas enfer, et lui donner la parole et le faire vivre. Eh bien, c'est comme si Dante avait fait ce même exercice avec Ulysse. Il est dans la partie la plus profonde de l'enfer. Nous avons comme ça, pour ainsi dire, une espèce de miroir sur les principes positifs que Dante demande d'exercer sur Terre, donc la liberté, la pensée, mais aussi la loyauté dans nos actions. La fraude est le contraire de la loyauté, donc Ulysse est condamné et surtout il est à peu près avec ceux qui ont, comment dirais-je, dissous les liens, voilà, les liens de confiance. Les liens de confiance qui sont punis donc au cercle 8e et aussi au 9e, où il y a ceux qui ont trahi leur patrie, leurs parents, leurs frères, leurs amis. C'est ce qui, et après, il n'y a plus que Lucifer qui a trahi son créateur. Alors, dans cette partie finale de l'enfer, nous voyons, pour ainsi dire, en termes opposés, surgir aussi quel est l'idéal de Dante, une parfaite transparence, une parfaite loyauté, et je dirais une parfaite confiance. C'est ce que nous aurions du reste besoin d'avoir ici, en ce moment, dans notre terre et dans notre présent. C'est ce qui manque, vous pensez ? La confiance, pardon ? Et la loyauté ? C'est ce qui manque à notre présent, vous dites, la confiance, ben oui, et la loyauté ? Oui, parce que nous avons toutes sortes de tactiques de vérification, toutes sortes de tactiques de précaution, alors qu'il serait beau de naviguer dans notre vie en plein vent, avec le voilier ouvert et en respirant la confiance d'autrui. Mais là, bon, c'est utopique et je m'arrête. Qui sait, peut-être qu'en lisant la Divine Comédie, on le comprendrait. Mais alors, bon, plusieurs choses. Le cas Ulysse est particulièrement fascinant dans l'enfer de Dante. Et d'ailleurs, vous, quand on vous a proposé de participer à cette émission, vous avez tout de suite dit « je voudrais parler du chant 26 et d'Ulysse ». Car en effet, il cristallise beaucoup, beaucoup de choses quant à la perspective qui est propre à Dante, quant à l'écriture, quant au rapport au savoir. Une chose quand même, vous avez dit « oui, donc pour Dante, c'est le fait qu'Ulysse soit en enfer nous renseigne sur ses critères, la fraude et la trahison sont évidemment deux choses qu'il faut absolument bannir. » Mais hier, quand on parlait du chant 5 de l'amour, Daniel Robert disait, alors Paolo et Francesca, les deux amants sont morts, non pas d'avoir péché par adultère, mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se repentir. S'ils s'étaient repentis, ils ne seraient pas allés en enfer. Est-ce la même chose pour Ulysse ? Parce que finalement, c'est très très très sévère avec Ulysse que de l'envoyer en enfer parce qu'il a trahi un peuple et qu'il était à l'initiative du cheval de Troie, quand par ailleurs, il semble avoir accompli tellement d'autres choses qui pourraient le sauver. Oui, belle question. En effet, il y a toute une tradition avant Dante disant que Ulysse aurait dû ne pas se mettre en voyage. Mmh. Déjà, le père de Sénèque, donc Sénèque le rhétoricien, disait la même chose à propos d'Alexandre. Mais pourquoi tu vas chercher les Indes? Pourquoi tu vas chercher les frontières du monde connu? Pourquoi tu abandonnes ton armée et ton peuple? Et ceci est appliqué par Alain de Lille, par exemple, à Ulysse, en disant que il aurait dû s'arrêter. C'est-à-dire, au fond, Ulysse est aussi le premier qui établit dans la Divine Comédie de Dante la question fondamentale de la limite. La limite est absolument essentielle dans notre, je dirais, conduite. Le sens de la limite, quelle est ma liberté, la frontière de ma liberté et la liberté d'autrui, comme les philosophes nous disent. Et au fond, ce qui est amené dans l'attitude d'Ulysse n'est pas la connaissance, mais le fait qu'il a franchi la limite. Dante le dit du reste un peu plus loin, genre humain resté au quia, c'est-à-dire à l'explication, car demander les causes n'est pas de votre, je dirais, n'entre pas dans ce qui vous est possible. Mais quelle est cette limite qu'Ulysse a franchie ? Il a franchi donc la limite de la partie connue du monde. Il a cherché le pôle austral, comme du reste Dante le fera, parce que la montagne du purgatoire est placée dans le pôle austral, là où il y a des étoiles qu'on n'a jamais vues. On le verra au premier champ du purgatoire. C'est très émouvant, parce que finalement, Dante fait ce que Ulysse n'a pas pu faire. Et d'une certaine manière, ce mythe d'Ulysse fonde aussi le mythe de Dante personnage. Parce que Dante passe de l'autre côté de Gibraltar et il arrive à la montagne du Purgatoire, donc montagne, nous le savons, qui est formée par la terre qui a été déplacée à cause de la chute de Lucifer au centre de la terre. Et c'est comme si la Divine Comédie, c'est Romano Guardini qui l'a remarqué, avait une géographie complètement étrangère à notre géographie quotidienne. Parce que l'enfer est au centre de la Terre, le purgatoire est au pôle austral qui était inconnu, ou en tout cas pas fréquenté au temps de Dante, et puis le paradis dans les cieux, dans les planètes, dans les étoiles, etc. Donc c'est très curieux, nous pensons à la Divine Comédie comme quelque chose de très florentin, italien, européen, alors que la géographie est une géographie à venir, pour ainsi dire. Et c'est aussi le caractère, je dirais, prophétique de la Divine Comédie. Alors, on va passer la parole à Ulysse, qui, au chant 26, va raconter à Dante son périple. Puisque vous l'avez dit, il a dépassé une limite. En fait, il a franchi ce qu'il appelle les colonnes d'Hercule, qui correspond aujourd'hui au détroit de Gibraltar avec ses compagnons. Et dans son récit, vous allez voir, il va raconter que son navire a fini englouti par une tempête. Ce qui est vrai, chez Homère, mais il s'en remet, si bien que la question qui se pose, et vous y répondrez après le texte, Carlo Ossola, est celle de savoir si Dante a lu ou non l'Odyssée d'Homère dans lequel Ulysse part en voyage. Vous craignez un danger physique ? Qu'est-ce que vous risquez ? D'être tué ? Non, en enfer, il n'y a qu'un danger. C'est perdre l'esprit. Quand je quittai Circé, qui me cacha plus d'une année là-bas, près de Gaète, avant qu'Énée lui donnât ce nom, ni la douceur de mon enfant, ni la piété pour mon vieux père, ni l'amour dû qui devait faire la joie de Pénélope, ne purent vaincre en moi l'ardeur que j'eus à devenir expert du monde et des vices des hommes et de leurs valeurs. Mais je me mis par la haute mer ouverte, seul, avec un navire, et cette compagnie petite, par qui jamais je ne fus abandonné. Je vis l'une et l'autre rive, jusqu'à l'Espagne, jusqu'au Maroc, et à l'île des Sardes, et aux autres que cette mer baigne tout autour. Mes compagnons et moi, nous étions vieux et lents, lorsque nous vînmes à ce passage étroit, où Hercule posa ses signaux, afin que l'homme n'allât pas au-delà. Je laissai Séville à main droite, à main gauche, j'avais déjà passé Ceuta. Ô frères, dis-je, qui par 100 000 périls êtes venus à l'Occident et à cette veille si petite de nos sens qui leur reste seule, ne refusez pas l'expérience en suivant le soleil du monde inhabité. Considérez votre semence. Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Considérez votre semence, vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. On retrouve là cette phrase qu'on a entendue en début d'émission, citée par Primo Levi à son ami Piccolo, alors qu'il était prisonnier du camp d'extermination d'Auschwitz-Monowitz. Dante l'écrit comme tel dans la bouche d'Ulysse. Je l'ai dit, dans la Divine Comédie, Ulysse a péri, s'est fait engloutir par la mer avec ses compagnons. La version que Dante propose diffère de celle d'Homère. Alors, Carlo Ossola, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'on sait si Dante connaissait l'Odyssée d'Homère? C'est une question ouverte, il faudrait trouver... Ça veut dire non. C'est-à-dire que si nous trouvons d'autres sources latines, ce qui est certain, c'est que Dante ne connaissait pas le grec. Mais si on trouvera des sources latines de grammairiens qui reportaient des passages ou des philosophes qui discutaient comme Sénèque le père les limites de la connaissance humaine, il faut espérer de trouver ces textes. Pour l'instant, nous savons simplement que Dante n'a pas lu l'Odyssée dans le texte grec et que tout ce qu'il connaissait, c'était évidemment par les mythes et par les passages cités par les grammairiens et par les anthologies, pour ainsi dire, qui avaient ici ou là, anthologie latine bien sûr, ici ou là cité le mythe d'Ulysse. J'ajouterai un élément qui me vient à l'esprit maintenant, je ne l'ai pas écrit dans mon commentaire. Il y a aussi le fait que Dante dépend, pour ainsi dire, ou imite Virgile. Et le voyage d'Énée est un voyage strictement méditerranéen. Vous voyez, Énée fait un périple d'exil plus long encore que celui d'Ulysse pour arriver enfin à Rome, alors que Ulysse revient à Ithaque. Et évidemment, nous avons aussi la possibilité de lire ce passage comme un respect, pour ainsi dire, de la géographie virgilienne, c'est-à-dire le Mare Nostrum de Virgile et d'Énée, contre cette idée assez ardue et impossible d'aller au-delà de ce qui était à ce moment-là le monde connu, c'est-à-dire le bassin de la Méditerranée. Oui, on peut même aller encore plus loin et dire que Dante fait avec Virgile ce que Virgile avait fait avec Homère. Parfaitement, parfaitement, oui. Avec un emboîtement textuel des plus grands prosateurs de l'époque. Alors, la question quand même se pose de savoir pourquoi le fait d'avoir dépassé cette limite, le fait de vouloir trop connaître, aboutit, conduit à une condamnation. Que Ulysse soit condamné parce qu'il est trahi, c'est une chose, mais tout se passe comme si finalement il y avait une autre limite qui avait été franchie. Il a franchi les colonnes d'Hercule, il est allé explorer l'autre côté du monde, l'inconnu. Pourquoi est-ce que ça entraîne une punition? Oui, c'est la... Pour ainsi dire, c'est une espèce de deuxième condamnation d'Ulysse. La première, à cause de la fraude comme personnage d'Homère, et la deuxième, comme personnage de la Divine Comédie, comme quelqu'un donc, qui aurait franchi la limite de notre connaissance. Et là, il faut remonter aux sources de Dante, et surtout au texte du Purgatoire et du Paradis, où Dante explique que nous ne pouvons pas, par notre connaissance et nos paroles humaines, aller au-delà de l'homme si la grâce divine ne vient pas au secours. transhumanar per verba non si potria. Donc, on ne peut pas aller au-delà de l'homme, à travers notre parole humaine. Et ailleurs, il dit « humana gente state contenta al quia », c'est-à-dire « genre humain, restez conscient de votre limite, puisque finalement l'homme est dans un dialogue éternel avec Dieu, chacun partant de la… comment dirais-je, du lieu où il est. Dieu est le créateur, l'homme est la créature. Là aussi, il y a une question de limite d'origine. C'est vrai que Dante, au paradis, dira à propos de la faute d'Adam que la soif de connaissance ne fut pas le vrai péché. Le vrai péché a été, de la part d'Adam, d'aller au-delà de ceux qui étaient conseillés par Dieu dans le chemin de la connaissance. Donc, une désobéissance et pas un péché d'excès de connaissance. Une désobéissance, disons, au commandement, au conseil divin. Il y a aussi cette sorte de, comment dirais-je, de modification qui intervient dans le texte de Dante à partir des années 1307-8 où il commence à écrire l'enfer et jusqu'à 1321 quand il meurt ayant terminé la Divine Comédie. Donc il faut aussi concéder à Dante des hésitations, des moments de, d'incertitude. Oui, parce que c'est un étrange Dieu que celui qui punit la soif de connaissance comme si Dieu craignait pour sa place. Et si l'homme dépasse la limite qui lui est impartie et qu'il essaye d'en connaître davantage, il risque quoi ? De rivaliser avec Dieu, mais alors ce n'est plus Dieu. Oui, bravo, c'est exactement comme ça. C'est pourquoi Dante se corrige, pour ainsi dire, in extremis à la fin du paradis en disant que Adam a péché pour une question de, je dirais, de désobéissance et pas pour une question d'excès de connaissance. Ajoutons du reste que Adam, et ça nous permet de libérer Dante de tout soupçon, Adam est pour la première fois dans l'histoire du Moyen-Âge au paradis. On s'attendrait de le voir comme celui qui a condamné l'humanité à la mort, les descendants à la mort, on s'attendrait de le trouver bien plus bas. Non, il est au paradis parce que Dante estime que la création divine est tellement belle que le fruit le plus excellent de cette création, c'est-à-dire l'homme, mérite non pas à cause de ses actions qui ont été mauvaises, mais à cause, je dirais, de la beauté de la création. Dieu est obligé, pour ainsi dire, de sauvegarder la beauté de sa création, autrement, il serait en pleine contradiction avec, disons, l'esprit par lequel il a créé le monde. De ce point de vue-là, pour ainsi dire, en regardant la Divine Comédie comme Dante le fait dans les derniers chants du paradis du côté de Dieu, eh bien, tout est racheté dans une espèce de beauté d'origine qui ne connaît pas le petit défaut humain. L'homme est tellement petit qu'il n'arrive pas à mettre des tâches essentielles dans la création divine. Mais est-ce Dieu qui a créé l'enfer ? Alors, bonne question. Là aussi, la théologie a plusieurs fois discuté, même dans nos temps, est-ce que l'enfer sera plein? Ben, d'un côté, on pourrait répondre oui, parce que Dieu exerce la justice. Et d'autre part, il faudrait dire non, parce que Dieu exerce la miséricorde. Et donc, à la fin, on devrait théoriquement trouver, plus il est miséricordieux, plus l'enfer devrait se vider. Plus il est juste, plus l'enfer devrait être plein. Vous voyez, encore une fois, il est difficile de répondre, justement, parce que nous n'avons pas la perspective de Dieu. Je dirais que la meilleure réponse a été donnée par Shakespeare dans « Le roi Lear ». Quand vraiment, dans les dernières scènes, il est en prison avec sa fille, en regardant la petite fenêtre, il dit « Eh bien, Nous sommes en prison, mais nous regarderons les printemps, les oiseaux chanter, etc., comme si nous étions des héros de Dieu, c'est-à-dire des sentinelles, des gens envoyés. On n'est pas Dieu, mais on est des envoyés. Moi, je pense que là, il y a peut-être la meilleure réponse à cette question si belle et si impossible aussi. Voici venir la bête à la queue aiguë, qui passe les monts, qui brise armes et murs. Voici celle qui infecte le monde. Ainsi se mit mon guide à me parler, puis il lui fit signe de venir vers la berge, près du bord des rochers où nous marchions. Et cette hideuse image de fraude s'en vint et hissa la tête avec le buste, mais sans traîner sa queue jusqu'à la berge. Sa face était celle d'un homme juste, tant elle avait l'apparence bénigne, et le reste du corps était d'un serpent. Elle avait deux pattes velues jusqu'aux aisselles. Le dos et la poitrine et les deux flancs étaient peints de nœuds et de roues. Jamais Turc ni Tartare ne firent d'étoffes ou tissées ou brodées de plus vives couleurs. Et jamais Arachné n'en tissa de semblables. Comme parfois sont amarrées les barques qui sont moitié dans l'eau et moitié à terre, et comme là-bas, chez les germains gloutons, le castor s'installe pour faire sa guerre, ainsi se tenait la détestable bête sur le bord de pierre qui entoure le sable. Toute sa queue s'agitait dans le vide, en tordant vers le haut la fourche vénéneuse qui en armait la pointe comme d'un scorpion. « Maintenant, dit mon guide, il faut que s'incline un peu notre chemin jusqu'à cette bête mauvaise qui se vautre par là. » Aussi, nous descendîmes sur le flanc droit et fîmes 10 pas sur le bord extrême pour fuir le sable et les flammèches. Cela, j'ai lu un extrait du mythe de Gérion hein, qu'on trouve au chant 17 de l'Enfer de Dante. Mais avant de commenter ce mythe-là, parce qu'on est en enfer quand même, on rencontre des créatures absolument hideuses, il fallait bien en entendre quelques-unes. Que sommes-nous en train d'écouter ? C'est une musique que vous nous avez conseillée. Pourquoi ce choix ? Oui, parce que là, on a aussi, donc c'est Moussorgski, une soirée au Mont Chauve, et nous avons l'autre aspect de l'enfer, l'aspect, si vous voulez, de Saba, les diables qui courent autour des damnés, qui se jettent sur eux, qui font une espèce de danse macabre ou alors magique. C'est l'autre côté de la Divine Comédie, le mouvement le plus radical, le plus tordu, le plus étrange. Dans le cas de Gérion, il y a comme une espèce de descente perpendiculaire jusqu'au puits de l'enfer. Et donc, je pensais que cette musique un peu diabolique de Moussorgski pouvait nous introduire à cette descente assez curieuse et marquée au chant 17 de l'enfer. Voilà, alors comment faut-il comprendre d'un côté Dante qui veut à tout prix aller parler à Ulysse, qui incarne alors certes la traîtrise, mais quand même aussi un certain raffinement dans la soif de connaissance dont il fait preuve, et de l'autre, voilà, cette rencontre avec des démons, ici Gérion, Dante descend dans le gouffre sur la croupe de Gérion, il y a un rapport charnel, corporel, direct, avec le mal, avec le démon, comme si Dante voulait à tout prix voir en face, les yeux dans les yeux, à la fois la vertu et le mal au fond. Oui, vous avez parfaitement raison. Il faut partir d'une considération, disons, philosophique. L'enfer est le lieu du désordre. Si la beauté du monde est surtout la manifestation de l'harmonie de la création, évidemment, ce qui a lésé la beauté de la création est le désordre et du péché. Et l'enfer, qui, disons, réunit tous les péchés du monde, est le lieu du suprême désordre. Donc, le monstrueux, l'écartèlement du corps humain, comme nous aurons, par exemple, dans le chant de Mahomet, et tout ce qui est le plus dégoûtant et mauvais est là réuni. Dans le cas de Gérion, il y a, comme Mandelstam l'a remarqué, une mesure, je dirais, de médiation, puisqu'il s'agit en même temps d'un monstre, certes, mais d'un monstre qui est très bon, qui a, comme Mandelstam le dit, toute la fascination des tapis des Turcs. Je le cite, il s'agit de la pigmentation de Gérion, son dos, sa poitrine, ses flancs, son bigarret d'ornements, nœuds et rouelles, les tisserands turcs au tartare, précise Dante, n'emploient pas pour leur tapis de couleurs plus vives. Mmh. On est ébloui par cette rutilante image textile. Et d'autre part, Mandelstam nous dit que, en réalité, par rapport au mythe classique, les monstres de Dante ont un plus. Et dans ce cas-là, il dit par exemple, il porte le nom de Gérion et c'est une sorte de super tank qui, par-dessus le marché, aurait des ailes. Donc c'est une espèce de monstre, ça là, le mythe classique le prévoyait, mi-animal et mi-humaine, mais qui a quelque chose, comment dirais-je, de moderne, qui se présente non seulement comme l'héritage ou réécriture du mythe classique, mais qui a quelque chose de plus farouche, de plus, je dirais, puissant. Et il faut dire, évidemment c'est mon opinion et j'en porte des conséquences, il faut dire que Dante ne fait pas de l'enfer une espèce d'image, comment dirais-je, réduite modestement habillé du monde supérieur, mais au contraire, il y a vraiment le dernier héritage, si vous voulez, du manichéisme chrétien des origines. Il y a le mal avec M majuscule et avec tous ces appareils et monstres, et d'autre part, il y a le bien avec toute la puissance et l'éblouissante beauté de sa lumière. Évidemment, on ne peut pas aller aux dernières conséquences de cela, parce qu'autrement, on oublierait le rôle fondamental du purgatoire. Dante, pour ainsi dire, met en scène pour la dernière fois la bataille du mal et du bien, donc la tradition manichéenne, mais en même temps, c'est vraiment la dernière, parce qu'il introduit au centre le purgatoire, qui est un lieu d'échange, un lieu où les gens qui doivent purger leurs péchés peuvent être aidés par les gens qui sont en vie, par la prière, par les aumônes, par les messes. Il y a toutes sortes de commerces, pour ainsi dire, entre les vivants et les morts. Mais d'ailleurs, Gérion lui-même est ambivalent, puisque si on continue la lecture, alors je ne pouvais pas tout lire évidemment, il faut aller voir directement le chant 17 de l'enfer, donc le narrateur le dit bien, il veut s'accrocher à lui, Gérion les emmène, il le tutoie, il y a une forme d'ambivalence. Je disais que physiquement c'était effrayant, mais en même temps vous avez raison de rappeler que c'est aussi, il y a ces textiles magnifiques que rappelle la peau même de Gérion, il monte sur lui, vraiment il le chevauche, donc c'est pas un démon abominable dont il faudrait s'éloigner, c'est au contraire une créature qu'il faut apprendre presque à domestiquer, car elle peut nous emmener quelque part. Oui, nécessairement, parce que s'il n'y avait pas Gérion, Dante et Virgile ne pouvaient pas descendre cette pente absolument verticale et sans appui pour descendre dans la partie profonde de l'enfer où il y aura justement Ulysse et Lucifer et tous ceux qui ont trahi leur patrie. Donc il y a une fonction positive et on pourrait dire que en ceci, le bien est supérieur au mal, c'est-à-dire qu'il peut commander au mal et tirer une bonne solution du mal. Dans ce sens-là, je devrais me contredire et souligner le fait que le mal est aussi un manque de bien. Et quand le bien arrive, il comble, il peut combler le mal, alors que le mal ne peut jamais combler le bien. Voilà, il y a cette dissymétrie fondamentale que nous voyons dans plusieurs cas, mais le plus épatant est le cas de Gérion, parce que c'est une figure monstrueuse qui, au lieu de faire le mal, aide plutôt les deux pèlerins dans leur mission. Donc une mission, là aussi, de connaissance et pas seulement de curiosité. Dans ce sens-là, évidemment, Dante réunit, comme Curtius l'a dit, toutes les traditions du Moyen-Âge, sans exception. C'est un élément de synthèse où rien ne se perd et tout se retrouve. Et c'est pourquoi les exégètes ont de la peine. Dans mon commentaire, je me suis rendu compte. On ne peut jamais, je dirais, dire on a dit le dernier mot ou la vraie interprétation des passages de Dante, parce qu'il nous dépasse complètement. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une part de bien en enfer, ce qui n'est pas la moindre des surprises. Il y a le bien qui intervient pour libérer les pèlerins de l'enfer. Mais malheureusement, personne ne peut sortir, personne des damnés ne peut sortir de l'enfer. C'est un élément que Dante avait clairement à l'esprit, et même dans les derniers chants, les deux derniers chants, il y a des âmes qui sont déjà à l'enfer, donc à cause de leurs péchés, sont déjà à l'enfer, même si leur corps est encore sur terre. Donc, il y a comme une espèce de, je dirais, de vertige qui demande, pour ainsi dire, la justice de Dieu, qui oblige la justice de Dieu de s'exercer avant la mort. De ce point de vue-là, l'enfer de Dante est vraiment vertigineux. Voilà. Apprenez que de votre origine, vous n'avez pas été fait pour être, mais pour connaître la science et la vertu. Vous connaissez ça? Oui, oui, c'est très célèbre. C'est de Dante. Oui. Déjà la nuit contemplait les étoiles. Et notre joie se métamorphose vite en pleurs. Jusqu'à ce que la mer se fût refermée sur nous. La fin du chapitre 26, où l'on rencontre donc Ulysse, dont nous avons parlé aujourd'hui, Carlo Ossola, ici récité par Fritz Lang et Michel Piccoli dans l'enfer, dans le mépris de Jean-Luc Godard. Donc il cite la fin de ce chant 26, une fin, on a vraiment juste quelques minutes pour la commenter, mais qui est assez troublante, puisqu'on a, on a ce vers magnifique. Nous nous réjouîmes et la joie se changea vite en pleurs. Car de la terre nouvelle, un tourbillon naquit qui vint frapper le navire à l'avant, si bien qu'on ne sait plus si finalement la joie est temporaire ou si c'est l'ultime lumière vers laquelle Dante se meut pour aller enfin, ultimement, vers le paradis, Carlo Ossola. C'est une belle interprétation. S'il y aura une réédition de la Pléiade, comme je l'espère, j'ajouterai votre glose. Non, c'est vrai que le verbe « se réjouir » est un terme qu'on ne trouve pas fréquemment en enfer, c'est un verbe du paradis, et le fait que la connaissance donne de la jouissance est un élément fondamental. J'ajouterai à la voix de Michel Piccoli la voix de Roland Barthes quand il dit que le spécifique de la jouissance est le fait qu'elle dépasse le désir qu'il avait formulé. C'est-à-dire, la jouissance est un élément nouveau. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir accompli le désir qu'on avait formulé, mais c'est quelque chose qui nous envahit plus profondément. C'est une espèce de révélation. Alors, votre interprétation est une interprétation qui donnerait à la figure d'Ulysse, non pas seulement, je dirais, la conscience finale de la limite comme un cercueil qui se ferme sur le corps de la personne qui est ensevelie, là ensevelie dans l'océan, mais plutôt il y aurait encore le reflet, l'ultime reflet de cette jouissance d'avoir connu. Et eh bien, je le souscris et je remercie beaucoup. Ajoutons-le au corollaire des belles interprétations de la Divine Comédie. Et puisque Dante fonctionne par analogie, une dernière analogie, si cette distinction, vous citez Barthes, effectivement, entre jouissance et désir, que la jouissance, entre le désir et la jouissance, il n'y a pas une différence de degré, mais bien de nature. En va-t-il de même entre l'enfer et le paradis, finalement, chez Dante? C'est pas qu'une question de degré, même si Dante chemine pas à pas, le paradis est un hors-lieu, un autre lieu. Peut-être, analogiquement, ça fonctionne avec la jouissance. Oui, et surtout, il y a enfin ce vol. Dante vole d'un ciel à l'autre et d'une planète à l'autre, ce vol dans lequel Ulysse avait échoué quand il dit que le vol d'Ulysse a été fou. Il dit vraiment que ce voyage a été un vol. Et c'est ce que Dante fera au paradis. Donc, encore une fois, la métaphore du vol fait avec le voilier, avec les rames, etc., et se retrouve au paradis finalement accompli. C'est comme si Dante, pour continuer votre image, c'est comme si Dante avait repris sur soi le désir d'Ulysse et l'avait finalement accompli. Mmh. De ce point de vue-là, effectivement, il y a une belle continuité. Merci infiniment, Carlo Ossola, d'être venu nous parler de Dante ce matin. Enfin, d'être venu depuis l'Italie, depuis Turin. J'ai grand plaisir à rappeler l'édition bilingue dans la bibliothèque de la Pléiade, de la Divine Comédie de Dante, sous votre direction, Carlo Ossola. On peut également lire un Que sais-je aux éditions PUF consacrées à Dante. Une introduction à la Divine Comédie aux éditions Le Félin. On mettra toute votre bibliographie en ligne. Et on se quitte avec on redescend en enfer. On a évoqué le paradis, mais là encore, une proposition de votre part, le Don Giovanni de Mozart, la toute fin où Don Juan redescend en enfer. Vous voulez en dire un mot avant qu'on l'écoute? Oui, après très rapidement. Après tant de conquêtes, là aussi, celui qui désirait tout savoir, tout avoir des femmes se retrouve à l'enfer, mais Mozart arrive à racheter les enfers de Don Juan. France Culture, les chemins de la philosophie, Dante, Don Juan, Mozart et Frédéric Worms, c'est l'heure du pourquoi, du comment. Pourquoi le libéralisme est-il si fragile ? En philosophie et en politique aussi, mais partons de la philosophie, tous les mots auxquels on ajoute un « isme » désignent quelque chose de très précis. Le « isme » décrit le fait que une notion parmi d'autres est érigée au rang d'un principe capable d'expliquer et de justifier tout le reste. Il en est ainsi, par exemple, du libéralisme. On appelle libéralisme toute doctrine qui fait de la liberté, non pas un principe parmi d'autres, mais le principe premier pour expliquer tout le reste, pour gouverner d'abord toute notre vie individuelle, peut-être aussi toute la vie collective et politique, et même peut-être toute une compréhension métaphysique du monde. Finalement, il en est de même quand on parle du matérialisme. Le matérialisme est la doctrine qui fait de la matière, non pas un objet parmi d'autres, mais ce qui permet d'expliquer tout le reste. Le libéralisme est donc la philosophie, d'abord politique et morale, mais peut-être même encore plus largement pour certains, la doctrine donc qui fait de la liberté, d'abord individuelle, un principe suffisant pour gouverner toutes nos actions, conduire aussi à un principe de justice intégrale dans la société au niveau collectif, au niveau politique. Le libéralisme est donc cette doctrine qui consiste à considérer que la justice se construit en laissant les libertés individuelles poursuivre leurs propres intérêts dans une doctrine où la positivité de la liberté et des libertés, certes marquées par certaines limites qu'il faut préserver, suffit à construire une justice collective, un bien-être total et finalement une histoire heureuse de l'humanité. Pourquoi alors le libéralisme peut-il être considéré comme fragile ? Pourquoi aujourd'hui est-il si menacé ? Pourquoi est-il aussi si compatible dans un domaine, par exemple le libéralisme économique, avec son contraire, par exemple une dictature politique dans beaucoup de régimes où cela nous surprend aujourd'hui et dans certaines démocraties où on en vient à parler aussi, à revendiquer même au niveau politique ce que certains appellent l'illibéralisme, le contraire du libéralisme. Au fond, quelle est la fragilité du libéralisme ? Peut-être consiste-t-il justement dans l'idée d'une positivité pure et entière de la liberté qui ne rencontrerait d'obstacles qu'à l'extérieur d'elle-même. Or, peut-être la liberté est-elle toujours traversée aussi par un risque profond, un risque non seulement de rencontre extérieure de la liberté d'autrui qu'il où il faut nous limiter, mais de domination d'une liberté par les autres, d'une liberté aussi tournée vers le mal ou tournée vers la concurrence, vers la destruction des autres. Et peut-être, au fond, le libéralisme a-t-il besoin d'être complété par des institutions qui protègent les libertés les unes contre les autres, aussi contre les abus des unes sur les autres, comme dans les questions de la concurrence effrénée, du néolibéralisme. Peut-être faut-il toujours compléter le libéralisme, comme on complète dans la devise républicaine par l'égalité et la fraternité, comme on complète par des institutions publiques qui préservent de la domination et qui définissent justement la République, comme on complète aussi par le développement des actions communes contre les risques qui menacent les libertés et pour construire l'exercice complet de la liberté. Peut-être la fragilité du libéralisme n'est pas une raison pour renoncer à la liberté, pour défendre un illibéralisme qui, au contraire, la limiterait et la contredirait, mais pour la compléter par d'autres principes sans lesquels la liberté elle-même n'est pas possible. Merci Frédéric Worms. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à réécouter en ligne et en podcast, évidemment, sous le titre éponyme Le Pourquoi du Comment. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Carla Michel, Jules Barbier, Géraldine Mosne à sa voix, Antoine Ravon, Anaïs Isbert qui, en plus de s'occuper du site, allez voir le site des Chemins de la Philosophie, vous y trouverez les bibliographies, des références musicales, tout ce qui est diffusé pendant l'émission, s'occupe également de faire en sorte que ces émissions à distance se passent le mieux possible. Donc, soyez reconnaissants doublement, triplement envers Anaïs Isbert. C'est Laurence Malanda qui réalise cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour suivre la suite et fin de notre semaine sur l'enfer de Dante. Demain, nous recevrons le philosophe Didier Ottaviani.